Camaro, baby. Cette fois, je veux voir tout le monde debout, les mains dans les airs. Ya, yeah. On le fera une fois comme ça. Faites un maximum de bruit. Yeah. Où sont mes tags? Où sont mes ladies? C'est comment ça marche? Pour ceux qui se reconnaissent et ceux qui nous reconnaissent. Mes dingues qui sortent trop, qui passent de boîte en boîte et qui trinquent trop, qui vivent au maximum, qui profitent, qui savent c'est tout ou rien, que les belles années passent vite. Ils ont besoin de bons sons pour planer, quoi de mieux qu'un bon son pour crâner. Et faire la fête comme je le fais, ça le prend. Faire d'une fête ce que j'en fais, ça me prend. Et si j'ai autant de plaisir à passer de bonnes soirées, c'est que j'ai autant de fêlés qui depuis des années me suivent et qui savent que c'est pas évident. Je t'ai dit le morceau à tous ceux qui sont là depuis tant, la clique à Maro. J'y bosse, balance ce morceau pour mes homies, j'y bosse, balance ce morceau pour mes ladies. J'y bosse, balance ce morceau et dis merci. Mon club de dingue fait du bruit. C'est si je t'abat, j'espère que ceux qui galèrent avec moi, qui flippent du cristal tous les soirs et qui ne connaissent que ça. Pour tous ceux qui se reconnaissent, pour tous ceux qui nous reconnaissent, c'est dans les boîtes et qui savent ce que c'est, ceux qui nous voient dans les clubs et qui s'appellent. C'est si je t'abat, pour tous ceux qui galèrent avec moi, qui flippent du cristal tous les soirs et qui ne connaissent que ça. Pour tous ceux qui se reconnaissent, à l'ancienne, où sont les fous comme moi qui me comprennent? Où sont mes ladies, mes crazy ladies qui viennent pour nous, qui flippent, qui trippent, qui trinquent avec nous? Mais rien que pour vous que je le balance ce morceau, mais fêtards, ceux qui sortent et qui rentrent tard, qui poussent à fond et prennent la fly. Comme moi, la musique rend high. Pour avoir fou, non, ne vit que de bons sons, de pistes, de danse pleine, de vibe à l'ancienne, laissez la soirée qui prend le contrôle. Rien de sérieux, tu vois, on rigole. C'était du clan, vas-y, bouge avec nous. Si tu comprends, vas-y, balance avec nous. Lève ton verre et bienvenue dans le club, car on se la fait à l'ancienne, à la chaîne. C'est si je la balance pour tous ceux qui galèrent avec moi, qui flippent du cristal tous les soirs et qui ne connaissent que ça. Pour tous ceux qui se reconnaissent, pour tous ceux qui nous nôtre, qui a toujours souhaité qu'on continue à sourire après son départ. On l'a fait pour toi. Et peu importe où tu es, je sais que tu nous regardes. Une pensée à toi. One love. Peace.